Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1989, Serge Danet était au Japon, à Yamagata, où se tenait la première édition d'un festival international du film documentaire dont il était membre du jury. Un festival qui a perduré et continue depuis de se tenir tous les deux ans. L'occasion était belle, pour le cinéphile, de rencontrer le grand documentariste Shinsuke Ogawa, qui vivait alors à la campagne, non loin de Yamagata. Pour Microfilm, il s'entretenait avec Ogawa de sa pratique de 30 années de cinéaste du réel, de la situation de la production et de la diffusion du film documentaire, de son propre rapport à la télévision, à la vidéo, à la fiction. Dans la deuxième partie de l'émission, de retour à Paris, Serge Danet livrait ses impressions et ses réflexions après ce voyage sur sa rencontre avec Shinsuke Ogawa, sur la première édition de ce festival, sur son palmarès et plus généralement sur l'état du cinéma japonais à la fin des années 80. Microfilm avec Shinsuke Ogawa au Festival du documentaire à Yamagata, une émission proposée par Serge Danet en 1989 sur France Culture. Microfilm. Microfilm, bonsoir. Il faut justifier cette musiquette terrifiante qu'on entend en fond sonore. Nous sommes au Japon, nous sommes dans le nord du Japon, nous sommes dans une région qui s'appelle le Japon oublié, le Japon le plus fondamental, semble-t-il, à Yamagata, ville peu connue, petite ville à l'échelle japonaise, quand même de 50 000 habitants, où se tient un festival international du film documentaire. Pour la première fois à Yamagata, petite ville qui est toute orgueilleuse et toute fière de faire ce festival. Le festival vient de commencer et c'est pas sorcier de savoir qu'il n'aurait jamais été possible sans la présence à côté de Yamagata, dans une petite ville au sud, donc chez les paysans, d'un personnage très important dans le cinéma japonais, malheureusement pas connu ou à peine connu en France, parce qu'il a la mauvaise habitude de faire des films documentaires, et que ces films sont malheureusement pas montrés, pas distribués, courent quelques festivals. Enfin, les gens de cinéma savent qui est Shinsuke Ogawa. C'est quelqu'un de très important, qui est peut-être un petit peu connu en France, parce qu'il y a une dizaine d'années ou plus, il a suivi de très très près la fameuse lutte des gens de Narita, là où maintenant il y a l'aéroport international, qui n'ont pas voulu céder leur terrain, leur territoire, qui se battent encore. Lutte qui a duré des années et qui a été suivie d'une façon absolument têtue, obstinée et obsessionnelle par Ogawa et par son équipe. Ogawa n'est pas un documentariste classique, c'est quelqu'un qui est totalement impliqué dans ce qu'il fait. Quand il a une idée, il la suit jusqu'au bout et il a fini par acquérir, au Japon aussi semble-t-il, une place tout à fait spéciale, tout à fait à part, dans le cinéma japonais et dans, disons, aussi la conscience que peuvent avoir les Japonais, certains Japonais, de ne pas être quand même dans le paradis terrestre. Donc voilà cette introduction un peu abrupte. Je n'avais pas prévu que M. Ogawa serait là. Et je vais essayer de dire aussi à quoi ressemblaient ces films. Ces films étaient des films très, très basiques, très très faits sur les revendications, sur la Terre, sur la présence de la Terre, sur le refus de l'autorité qui, au Japon, est, quand il existe, est très violent et très, très, très convaincu, très rare. Et on a vu, on a même montré ces films, je me souviens qu'il y avait du cinéma, et puis après, on n'a plus eu de nouvelles. Donc, ma première question, c'est, depuis le moment où on a vu certains de vos films à Paris, à l'époque de Narita, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé pour vous dans la situation de documentariste forcené et jovial, je dois le dire. 今お話ありましたね。 Oui, d'abord, à propos de mon film sur Narita, la lutte de Narita, donc, ce qu'on appelle en japonais Sanrizuka, la lutte de Sanrizuka, c'était évidemment c'était la lutte avec des étudiants, avec des ouvriers. Et on a beaucoup parlé de ça, mais ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que c'était une lutte pour les paysans. Bon, le média a beaucoup parlé, mais c'était plutôt pour sur les étudiants, mouvement des étudiants, mouvement des ouvriers. Mais ce qui était vraiment profondément important, c'était la lutte pour les paysans, pour garder le terrain pour les paysans. Et ma façon de faire un film, c'est toujours la méthode suivante, c'est que je m'installe dans la région, avec des gens, avec les habitants, je vis avec eux et je partage la vie. Donc je mange avec eux, je parle avec eux, je partage la vie avec eux. Et c'est dans cette vie-là, dans cette vie commune, que je fais un film. Et ce qui est aussi important, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que, par exemple, dans la région, il y avait deux tendances. Il y avait des femmes mariées qui venaient de la montagne. Et d'autre part, il y en avait qui venaient de la mer. Avant de continuer plus loin, les bruits de glaçons viennent du fait qu'on boit du whisky. Les bruits de papier viennent du fait que la traductrice prend des notes. La traductrice Kyoko Sato, sans la gentillesse de laquelle on n'aurait pas pu monter cet entretien totalement inattendu et explosif. Donc, fin de parenthèse. Qu'est-ce que ça lui apporte, cette méthode? Alors d'abord, ce qui m'apporte, cette méthode, c'est que on filme des choses, on filme les gens, mais on filme les expressions des gens. Et on filme aussi le langage, leurs mots. Et aussi le paysage, mais ce qu'on appelle paysage, mais dans le sens plus large du terme, on dit paysage. Mais le paysage, ça peut être une rivière, ça peut être une montagne, ça peut être une champ de riz. Mais chaque paysage a aussi le visage vivant. Et si on ne vit pas dans la région, et si on ne vit pas avec des gens, on ne peut pas filmer ça. C'est que il y a d'abord caméra qui filme l'image, et il y a les gens qui filment. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui utilisent la caméra pour filmer. Il y a ce qui est filmé, les gens qui sont filmés ou bien les paysages qui sont filmés. Et il y a une relation entre ces trois choses, et cette relation-là, c'est cette relation-là qui m'intéresse. Et pour cette relation, pour filmer cette relation, il faut que je vive avec eux et dans la région. Et une autre chose qui est très intéressante pour moi, c'est que ça fait presque 30 ans que je fais des films documentaires. Et évidemment, j'ai essayé plusieurs méthodes. Je filme et ensuite on fait le montage. Mais ce qui est très, très curieux, c'est que très souvent, presque toujours, on fait le montage, mais dans l'autre de ce qu'on avait filmé. On ne change pas finalement l'autre. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, c'est que, en fait, c'est là qu'on peut parler de la relation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que la relation entre les gens qui filment et les gens qui sont filmés et les choses qui sont filmées et les caméras, il y a une relation qui s'installe dans l'évolution de relations qui se créent. Et en fait, pour moi, c'est ça le drame dans le film documentaire. Et c'est ce drame-là qui m'intéresse. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre drame, entre guillemets, c'est que s'il vit avec les paysans, comme il le fait là, je crois, tout près de nous sommes, est-ce qu'il ne va pas finalement passer sa vie avec eux? À quel moment il dit « je change de sujet » ? Pour répondre à cette question, je vais parler de nouveau de Narita, donc la lutte de Narita au sein d'ISKA. Bon, quand on s'est installé dans la région pour filmer cette lutte, évidemment, on connaissait rien de paysan, mais au fur et à mesure qu'on vivait ensemble, on commençait à comprendre leur vie, leurs problèmes, leur façon de vivre, etc. Bon, pendant le tournage, c'est-à-dire pendant la lutte, il y a eu un accident. Il y a eu un incident qui était très significatif. C'est que un jeu, il voulait creuser un trou en dessous de l'aérodrome, mais le terrain était très très sablé et il y avait beaucoup d'eau là-dedans. Et au fur et à mesure qu'on creusait, il y avait de l'eau comme ça qui sortait, donc il y a une sorte d'inondation. Mais les paysans, évidemment, ils ont leur passé, ils ont leur connaissance que les gens de ville n'ont pas. C'est que ils ont mis, c'est un peu compliqué, mais ils ont mis des petites branches de lavre là-dedans, et il paraît que c'est des petites branches qui ont absorbé de l'eau, et c'est comme ça qu'ils ont résolu le problème. C'est-à-dire qu'il y a, bon, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui nous fait comprendre que on ne peut pas vraiment. Il y a un moment où on se dit, on ne peut pas vraiment comprendre la vie des paysans. Et donc, alors, il y a quand on vit ensemble, il y a des choses qu'on comprend avec le corps, il y a des choses qu'on comprend avec la tête. Mais pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est que à quel moment on dit qu'on s'arrête là et qu'on va vers autre chose. C'est très difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de moment où des moments très, très clairs. Moi, c'est fini. Mais c'est plutôt un moment où toute l'équipe, tous les gens de l'équipe sont, parce que l'équipe de Ogawa, ils vivent ensemble aussi. Et il y a des moments comme ça où ils disent on ne peut plus avancer parce qu'on n'a pas de connaissances, parce qu'on ne peut pas acquérir les connaissances avec la tête, et à ce moment-là, il faut changer. Et la raison pour laquelle ils sont venus s'installer à côté de Yamagata, donc avec des paysans, c'est que ce village qui s'appelle Omagino, c'est un village et c'est une région dans le nord du Japon qui est vraiment le village des paysans typiques au Japon. C'est là où il y a vraiment la culture des paysans japonais. Alors, ils voulaient comprendre un peu plus avec leur corps. En cultivant des choses, du riz, des légumes, avec des paysans. Une question un petit peu plus générale, c'est par rapport à son travail que lui fait, est-ce qu'il pense que la télévision, c'est l'ennemi, ou ça n'a rien à voir, que c'est un autre monde ? 全く別のものだと思いますね。で、僕自身、スパイ、8mmで村の方からね、自分で勝手に回しながら、村のおばあさんたちのね、インタビューだとか、なんとか今でも撮ってますしね。 Moi, je pense que la télévision, c'est tout à fait autre chose. Je ne considère pas la télévision comme ennemi du film. Par exemple, moi aussi, j'utilise souvent la vidéo pour faire des interviews avec des paysans, même pour filmer des choses, des paysages. Mais je me rends compte que c'est tout à fait autre chose que le film. Donc il faut considérer comme une chose à part. Je crois qu'il a joué un rôle très important dans le choix de la ville de Yamagata de faire un festival de documentaires. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Et quel sentiment il a sur l'état du documentaire ? D'abord au Japon et puis peut-être un peu après dans le monde. La situation actuelle au Japon, la situation actuelle des films documentaires, bon, il faut dire que c'est toujours très difficile. C'est que, d'abord, c'est vrai que le film documentaire n'apporte pas beaucoup d'argent. Donc, c'est le premier problème, c'est le problème financier. Et c'est toujours très difficile de d'assembler, de rassembler le budget pour faire un film. Donc, actuellement, il y a moins en moins de cinéastes, jeunes cinéastes qui font des documentaires parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec ça. Bon, il y a ça, bon, même parmi les jeunes cinéastes documentaristes japonais, bon, il y a Harakazu, ou bien la même génération que moi, ou même un peu plus âgé, il y a Tsuchimoto. Mais donc il y a, la situation est très difficile depuis 30 ans et c'est toujours pareil. Mais paradoxalement, il faut dire que parce que la situation était difficile financièrement, qu'on a pu faire quelque chose qu'on voulait vraiment faire. C'est-à-dire qu'il y a des moyens pour faire des films publicitaires, pour les sociétés japonaises. Mais dès qu'on voulait faire quelque chose qu'on voulait vraiment faire, il fallait chercher de l'argent soi-même. Et c'était très difficile. Et c'est dans cette obstination qu'on a pu faire des choses de bonne qualité, certainement. Mais évidemment, avec beaucoup de sacrifices des gens qui ont participé, ils ont fait ça pour rien. Mais si on peut continuer à faire des films comme ça, ça serait bien, mais peut-être pas. Et par exemple, c'est l'année prochaine, je vais commencer à faire un autre film. Je commence un autre film, mais pour réaliser ce film, j'ai parcouru partout dans le Japon, du sud au nord, pour avoir l'argent nécessaire. Et la situation n'est toujours pas améliorée. Qui va voir dans ces cas-là? Qui va voir? Oui, pour trouver de l'argent. Quels sont les gens qui lui donnent de l'argent? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait presque 25-30 ans que je fais les films documentaires. Et pendant ces 30 ans, évidemment, d'abord, il y a le problème financier pour réaliser un film. Et ensuite, il y a aussi le problème pour trouver des salles, des salles de cinéma. Parce que la plupart des salles de cinéma ne veulent pas... ne veulent pas donner le film documentaire. Alors donc il fallait qu'on crée notre propre salle de cinéma et partout dans le Japon. C'est-à-dire pendant ces 30 ans, nous avons créé, nous avons acquis une sorte de c'est pas une association, mais un groupe de gens qui soutiennent nos activités partout dans le Japon. Dans chaque région où il y a une sorte de cercle, si vous voulez, le groupe des gens qui, le groupe des soutiens. Alors c'est eux qui ont vécu avec nous ces 30 ans avec beaucoup de difficultés, qui nous soutiennent maintenant financièrement, parce que ce sont des gens bon, qui sont devenus plus riches qu'avant, donc ils donnent un peu d'argent pour réaliser ce film. Et ce n'est jamais les entreprises, c'est jamais les sociétés japonaises qui financent. Mmh. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant, mais on en trouve plus ou moins ce qui manque après. Mmh. Si lui, il fait du documentaire, c'est parce qu'il n'aime pas du tout... la fiction, raconter des histoires. Est-ce qu'il va voir, par exemple, des films japonais qui racontent des histoires, des films normaux? Et qu'est-ce qu'il en pense? Non, je n'ai rien contre les films fiction. En fait, oui, il faut dire que c'est le hasard. Quand j'ai commencé à travailler à Iwanami, c'est une société japonaise de films, j'étais avec Tsuchimoto et il y avait aussi Hanisumu, qui étaient donc les documentaristes. Donc j'ai commencé avec eux. Tout naturellement, j'ai commencé à faire des films documentaires. Mais en fait, je n'ai jamais posé la question si je fais le film documentaire ou je fais le film fiction. Pour moi, il n'y a pas vraiment la différence de genre comme ça, documentaire et fiction. Et j'adore la fiction. Et même le prochain film que je vais réaliser, c'est moitié fiction. Là, l'émission est presque finie, mais ce serait bien qu'ils disent en gros de quoi il va parler. la prochaine fois. Donc c'est un film que je vais réaliser à partir de l'année prochaine. Ça va durer certainement 4 ans. Bon, j'ai commencé la préparation il y a déjà 4 ans. C'est pas une histoire, mais c'est dans la région qui est un coup plus profond que l'endroit où je suis installée. Donc c'est un coup dans la montagne, dans la région isolée. Il y a, depuis quelques années, il y a plus en plus des filles des Philippines, des filles qui viennent de Philippines pour se marier dans la région. Et donc, il y a une sorte de rencontre entre la civilisation, la culture philippine et la culture de la région japonaise, mais de la région. Et il y a des rencontres, il y a des luttes, il y a certainement des luttes, il y a des conflits et entre ces gens qui ont la culture différente. Et c'est ça, c'est ce conflit, c'est la rencontre qui m'intéresse. Et ce que je veux réaliser, c'est de visualiser leur rêve. Il y a des Philippines, donc filles qui sont venues pour se marier avec leur rêve. Et il y a des Japonais qui vivent dans le village, qui ont leur propre rêve. Et il y aura une rencontre de ces deux rêves. Et c'est ça que je veux filmer. Très bien. L'émission est hélas terminée. Il n'y a plus de musique parce qu'à 11h du soir, le grand hôtel de Yamagata arrête la musique. Donc c'est très calme. Je remercie de nouveau Kyoko Sato qui a traduit avec une bonne volonté totale. Et Monsieur Ogawa, évidemment, on aurait bien aimé parler plus longtemps parce que c'est une telle expérience dans le temps que la résumée est un peu abrupte. Mais enfin, si simplement quelques auditeurs pouvaient se dire « Mais qui est ce Ogawa? Pourquoi on n'en parle jamais en France? Et est-ce qu'on pourrait pas voir les films ?» Je serais quand même très content. Donc c'était Microfilm en direct du nord du Japon. Merci, sayonara. Pas tout à fait sayonara parce que, une fois revenu du Japon, après cet entretien avec Shinsuke Ogawa, on a quand même envie de faire un petit peu le point. D'abord parce que Shinsuke Ogawa, je l'ai vu le lendemain de cet entretien, mais chez lui, c'est-à-dire à la campagne. À la campagne, ça veut dire dans ces paysages magnifiques du nord du Japon, extrêmement sauvages, avec des montagnes partout, et des distributeurs de cigarettes ou de bières en race campagne. Donc un mélange bien connu entre quelque chose qui ne bouge pas et quelque chose qui n'arrête pas de bouger. Ensuite, Ogawa, je l'ai vu dans son cadre de vie, c'est-à-dire de ces grandes maisons japonaises où tout le monde vit à l'horizontale. Et quand je dis tout le monde, c'est un sens, puisque Ogawa vit entouré de disciples ou de gens qui apprennent le cinéma ou de gens qui, d'une façon très japonaise, considèrent que c'est un peu la même chose d'apprendre la technique, d'apprendre à approcher les gens, d'apprendre à faire des films et puis de se référer à un maître. C'était un drôle de sentiment de voir cet homme, à la fois connu et marginal au Japon, se comporter comme un peintre dans cette tradition d'atelier qui est tellement forte au Japon. Et ça faisait penser à des cinéastes plus connus, des cinéastes du passé, qui fonctionnaient comme ça. Des gens qui avaient toujours les mêmes techniciens, toujours les mêmes acteurs, des gens qui travaillaient d'une façon artisanale, toujours la même matière, donc des gens comme Ozu, des gens comme Mizoguchi, même Kurosawa à ses débuts. Et là, il y avait une formidable pérennité de la façon dont les Japonais ont fait des films. Pas tellement dans un système de grands studios qui veille à tout, qui met sa marque partout, mais dans un système de grands studios, féodaux, abritant des petites unités réunies autour d'un maître, de quelqu'un qui sait. Et même si Ogawa est quelqu'un de très radical, d'assez gauchiste dans son fonctionnement, il y avait autour de lui ce petit bout de féodalité campagnarde, avec des gens, des jeunes gens, à qui on donne assez peu d'argent, qui vivent assez pauvrement, et qui plutôt que d'apprendre le cinéma dans les écoles, où ils apprennent rien, apprennent tout simplement à bouger autour de la campagne, autour des paysans, et autour du matériel, autour de la caméra. Tout ça s'est terminé par une sorte de grande beuverie très imamourienne. Je parle d'Imamura parce qu'on peut voir ses films en ce moment, et que c'est un bon exemple et un bon prototype de cinéaste japonais, plutôt de l'école paysanne, à opposer à l'école samouraï. L'école samouraï serait plutôt Kurosawa ou Oshima. Imamura ou Ogawa, c'est des gens qui sont très très proches de la terre, et qui n'ont pas d'autres valeurs, au bout du compte, que les valeurs telluriques, les valeurs terriennes, et qui ont un rapport à la terre. Donc on était là, on a bu du saké, on a bu de la bière, et on a promis de parler un petit peu en Occident de cette expérience de cinéma Ogawa. Et puis quand on revient du Japon, ben on a envie aussi de faire le point sur le cinéma japonais. Il y a toujours eu un décalage dans le petit monde de la cinéphilie parisienne entre le moment où ça se passait au Japon et le moment où on en entendait parler en Occident. Le Japon a fait des films depuis le tout début du siècle et c'est réellement en 1950, ni avant ni après, qu'on a parlé des Sept Samouraïs, de Kurosawa et que de fil en aiguille, l'Occident, sidéré, a découvert qu'il y avait là un cinéma énorme, aussi bien quantitatif que qualitatif, mais ce cinéma était déjà en train de connaître la fin de son âge d'or, puisque en 56 meurt Mizoguchi et en 63, je crois, Ozu. Donc on a toujours été décalé par rapport au cinéma japonais et comme on l'a toujours aimé après, on a fini par ne plus savoir ce qu'il en était de son état réel, de son état de santé réel. On sait maintenant que dans les années 60, il y a eu quelque chose de très comparable à la nouvelle vague française et que des jeunes gens en colère, dont d'ailleurs Ogawa, lui il a choisi le documentaire, mais des gens, d'autres ont choisi finalement la fiction, dont les plus connus sont Oshima et Imamura, ont essayé de secouer le vieux système de studio, le vieux système d'apprentissage, d'obéissance féodale, pour faire des films beaucoup plus modernes. Qu'est-ce qu'ils ont capté? Ils ont capté le Japon au moment où la reconstruction commençait à être réelle et il commençait à y avoir de la modernité au Japon, c'est-à-dire également de la richesse. Un petit peu comme en France, les Trente Glorieuses, il y a eu ça au Japon et dans les films d'Oshima, dans les films d'Imamura des années 50 finissantes et 60, comme on peut le voir dans Désir meurtrier, film extraordinaire qui est encore sur les écrans parisiens, on a pu voir le mélange entre la fin de la guerre, le traumatisme, la nostalgie du passé, l'envie d'aller de l'avant, la présence américaine et une jeune génération, la première jeune génération de gens au Japon, qui finalement a eu comme mission ou comme destin d'être la première génération riche de l'histoire du Japon. Aujourd'hui, le Japon est un pays très riche. Et je crois que c'est peut-être pour ça que les gens maintenant ont beaucoup moins de fascination ou sont moins intéressés par le Japon qu'il y a quelques années, puisqu'il y a quelques années, c'était un petit peu sidéré qu'ils se rendaient compte que le Japon dépassait largement les pays capitalistes ou les pays qui avaient inventé le capitalisme. Aujourd'hui, le Japon rachète une partie de l'Amérique, ça fait la une des journaux, et comme tout le monde sait que ce pays est désormais plus développé que nous, il commence à y avoir au contraire un sentiment de peur qui est très très réel aux USA et qui pourrait arriver ici. Donc le Japon n'étant plus du tout à la mode, et d'ailleurs n'étant pas non plus à l'ordre du jour, parce que ce qui est à l'ordre du jour, c'est évidemment les pays de l'Est, c'est la Russie, c'est toujours bien, il faut profiter de microfilms pour en profiter, pour parler de ce pays qui, pour le moment, ne fait pas la une des journaux, et vit dans son euphorie, découvre avec une sorte de satisfaction qu'il n'avait pas avant, que il y a de l'argent, il y a de l'investissement, que la pauvreté a un petit peu reculé, que le pays peut-être peut jouer un rôle encore plus important à l'échelle mondiale qu'il ne jouait avant. Mais il y a toujours eu quelque chose qui a été étrange dans le Japon et qui vient, je crois, de son fort passé paysan, insulaire, montagnard, extrêmement coupé du monde, ou plutôt recomposant un monde à lui tout seul à travers ses montagnes et ses vallées, c'est que le Japon est peut-être la première puissance dans l'histoire de l'humanité qui arrive sur la scène mondiale avec beaucoup d'arguments frappants de type économique, une civilisation, en tout cas une culture, et aucune idée de lui-même. Si on était un peu hegélien, on dirait le Japon existe en soi, il existe pour soi, mais pour les autres, il n'existe toujours pas. Ou alors, sous forme de menaces et de fantasmes. Or, c'est une question qu'on se pose depuis assez longtemps. Nous qui observons, à travers le cinéma japonais, ce qu'on peut comprendre du Japon. Est-ce que c'est possible qu'un pays devienne à ce point puissant, financièrement, et continue à se comporter comme un pays tribal, c'est-à-dire faisant des objets, vivant selon des valeurs, qui ne sont pas forcément exportables. Le Japon est une sorte d'exagération de ce que peut-être l'Angleterre, autre île au XIXe siècle, avait créé, c'est-à-dire une puissance réelle, mais pas de valeur exportable, contrairement à la France laïque. Et cette question et devient complètement taraudante et on se demande si le cinéma peut continuer à jouer un rôle dans la formulation même de la question. Après la guerre, les Japonais ont tellement été traumatisés, ça s'est vu dans les films, il y a des films absolument extraordinaires, des films de Mizoguchi, des films de Tadashi Imai, des films de Kaneto Shindo, faits dans le traumatisme de la destruction et dans une sorte d'humanisme pacifiste extraordinairement émouvant et virulent. 40 ans après, la réalité étant tout autre, ces films ont disparu et il faut toute l'énergie et le côté intraitable de Imamura pour, aujourd'hui, hasarder, aventurer une autre image de la destruction atomique. Et il le fait 40 ans plus tard, reconstituer ce qui est un pari esthétique tout à fait unique et assez extraordinaire. Mais plus le Japon se reconstruisait, plus il le faisait sans le cinéma. Et là, c'est une des hypothèses qu'on peut développer, c'est que le cinéma est terriblement lié à la pauvreté et au passage de la pauvreté à la richesse, c'est-à-dire le mouvement qui va de la campagne à la ville, l'acclimatation à la ville, la salle de cinéma comme une vitrine, les marchandises imaginaires. Et puis, on sait bien, il suffit de regarder autour de soi, que ce monde n'est plus exactement celui-là. Au Japon, il l'est plus à un point extraordinaire, puisque quand on va dans les salles de cinéma japonaises, il y a quelque chose qui est extrêmement gênant, et d'ailleurs ça a beaucoup gêné dans ce festival de Yamagata, c'est qu'on laisse presque les lumières allumées. Bon, bien sûr on éteint, mais il reste un énorme signe qui dit par où il faut sortir, et un énorme signe qui dit où sont les toilettes. Cette lumière en plus confère aux films qui sont projetés une sorte d'irréalité blafarde, qui fait que dans le cas du festival de Yamagata, il a fallu colmater ces lumières en trop. C'est dire à quel point le Japon vit aujourd'hui dans un monde d'extrême visibilité. Un monde électronique, puisque l'électronique donne une sorte de visibilité perpétuelle, une sorte de faux jour perpétuel, dont la télévision est le meilleur vecteur, mais qui là-bas a atteint un degré beaucoup plus radical et beaucoup plus généralisé. On est très très loin de l'époque où Tanizaki, dans les années 30, écrivait ce livre assez célèbre en France qui s'appelle « Éloge de l'ombre », où il faisait justement une sorte d'éloge de l'obscurité, de la pénombre, des choses qu'on ne voit pas et du secret. Ça semble appartenir complètement au passé. Et dans ce monde de visibilité à la japonaise, le cinéma a beaucoup de mal. Le cinéma a tellement de mal que quand Kurosawa tournait il y a quelques années « Ran », le dernier grand film qu'il ait fait, il avait le sentiment, un peu comme Ogawa justement, c'est là où les cinéastes japonais, un petit peu comme les écrivains japonais, sont souvent des résistants qui ont une sorte de mauvaise humeur par rapport à leur environnement, qui veulent absolument garder des choses, il avait le sentiment que son film et que le tournage du film était comme une sorte de d'école en plein jour, pour que, vu l'énormité du projet, des jeunes apprennent les gestes du métier qui étaient en train d'être perdus. Et dans ce climat, le cinéma japonais, même s'il produit encore pas mal de films, a perdu beaucoup de son impact ou de son intérêt. Il y avait un autre phénomène qui était très lié et qui, moi, me choquait beaucoup la première fois que je suis allé au Japon. C'était la relative ignorance du japonais moyen, cultivé moyen, et surtout des jeunes, sur leur cinéma, sur le passé de leur cinéma. On ne marquait aucun point, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on disait aux Japonais qu'on connaissait les films de Mizoguchi ou les films d'Ozu, car non seulement eux souvent ne les connaissaient pas, ou ça leur semblait appartenir à un passé complètement démodé, mais en plus, ça leur paraissait étrange. Et si le Japon va se poser et nous poser à terme un problème qui dépasse largement celui du cinéma, c'est évidemment le problème d'accepter d'être décrypté de l'extérieur. Alors, c'est un peu un cliché, on sait que le Japon est impénétrable, mais il est maintenant trop puissant pour ne pas accorder de la valeur à ce que lui-même produit. Car quand on va dans une petite ville comme Yamagata, qui est pourtant assez perdue, qui est supposée appartenir à une partie un peu arriérée du Japon, arriérée entre guillemets, parce que quand on compare avec la campagne française, on trouve cette campagne quasiment wendersienne, c'est-à-dire des vides magnifiques, une culture complètement travaillée, tout absolument balisé, une beauté de la nature, mais une nature déjà mise en scène, déjà prête à être vue, avec des points de vue, comme dans la peinture orientale. Et on se dit que il y a là quelque chose de très impressionnant. Ce qui est impressionnant au Japon, c'est l'extraordinaire porosité, l'extraordinaire fluidité des circulations, des choses, des gens, des idées, des modes, des affects. C'est un pays qui, pour le moment, a réussi à ne pas avoir de goulot d'étranglement. On pourrait dire qu'en un sens, la présence d'une d'une population de spectateurs de cinéma dans une salle obscure, le temps d'un film, c'est un petit goulot d'étranglement. Ça veut dire qu'il y a là quelque chose qui passe lentement. Il y a quelque chose qui passe lentement sur un public qui s'est rassemblé, qui s'est aggloméré, qui est dans une salle, et que, en ce sens-là, le cinéma serait plutôt opposé ou trop archaïque par rapport à une société tellement régulée, tellement fluide, qu'elle ne peut plus inventer que des plaisirs liés à la fluidité. Donc plutôt liés à l'électronique, au jeu, au mouvement des billes dans le pachinko, au mouvement des balles de golf dans ces énormes enclos au milieu des villes où les gens, au lieu de pratiquer le golf avec des trous, simplement envoient la balle, comme Wenders avait assez bien montré. Le problème du Japon semble être la contradiction entre cette fluidité telle qu'elle marche très bien au Japon et quand même l'obligation de dire quelque chose en dehors du Japon. Alors, quand même, il y a un mouvement qui peut-être prouve que les choses évoluent, elles ne peuvent pas ne pas évoluer, c'est qu'il y a un mouvement un peu snob, un peu second degré, un peu nostalgique ou un peu mélancolique sur les films du passé. Il y a dans certains cinémas de Tokyo maintenant, et pas seulement dans les cinémathèques ou quelques rares ciné-clubs, on commence à regarder les films anciens, donc les films que souvent nous on connaît d'ailleurs, les films de l'histoire du cinéma, avec un certain respect. Alors, quelle est la part de mélancolie tribale? Les Japonais aiment bien communier dans l'idée triste de quelque chose qui révolue et qui fait pleurer, qui fait chanter. Et quelle est aussi la part de reconnaissance d'une certaine valeur à quelque chose qui a été fait au Japon? Ça, ce sont des questions qui ne concernent pas directement le cinéma, mais dont le cinéma est une sorte d'indicateur, y compris dans sa relative disparition. Maintenant, il y avait le festival de Yamagata dont il faut dire deux mots, ne serait-ce que parce que c'est un festival incroyablement bien organisé. C'est la première fois que les gens de la mairie de Yamagata mettaient de l'argent dans un festival et n'ont pas beaucoup d'expérience, les Japonais, dans l'organisation des grands festivals internationaux. Il y en a un à Tokyo, il y a beaucoup d'argent, mais qui est un peu nouveau riche, qui est un peu exagérément dispendieux et somptuaire. Celui-là a été aux dimensions humaines, ça veut dire que la petite communauté de cinéastes, de critique, moi j'étais membre du jury, qui s'est retrouvé dans cette ville, a réellement passé un temps, une dizaine de jours, plutôt très très convivial. L'organisation concrète du festival est une sorte de modèle. Bon, mais ça c'est pas une surprise parce qu'on sait que les Japonais organisent bien les choses. Maintenant, c'est un festival de cinéma et de cinéma documentaire. Donc, une fois passées les considérations un peu en l'air comme ça sur le Japon, il faut quand même passer à un autre objet tout aussi étrange que le Japon, qui est le documentaire. Pourquoi le documentaire? Parce que Ogawa, à mon avis, résident dans la région, a poussé la mairie à choisir ce thème-là, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la municipalisation du Japon a un siècle. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, on a créé, donc en pleine époque de Meiji, on a créé des municipalités comme on faisait en Occident. Donc toutes les grandes villes du Japon ont un siècle. Et beaucoup, cette année, et pas seulement à Tokyo, dans les grandes villes, beaucoup ont inventé des festivals de cinéma. Ou des festivals d'autre chose. Le cinéma documentaire, ben évidemment, c'est toujours quelque chose de terriblement valorisant. Il y a quelque chose de très étrange dans le statut du documentaire, qui peut être une sorte de répétition au carré, disons, de ce qu'on pourrait dire sur le cinéma lui-même. C'est que il intéresse quand même pas terriblement les gens, mais il a une réputation extraordinaire. Donc, créer un festival de cinéma documentaire à l'autre bout du monde, au nord du Japon, c'est être sûr d'avoir de l'argent, du respect, de la considération. Cela dit, après, il y a les films, et on ne peut pas ne pas se poser quand même quelques questions sur qu'est-ce que c'est que le documentaire aujourd'hui. Je ne voudrais pas assombrir le tableau en disant que c'est pas très bien, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas bien pensé dans ce qu'on appelle le documentaire, c'est que à part les projets qui sont intimement liés à la démarche d'un individu, une démarche qui est donnée comme telle, donc qui sont faits sur une recherche, et vraiment une recherche où on n'a pas, quand on commence la recherche, le résultat, le point final, il y a un nombre absolument hallucinant et même assez atterrant de films qui, certes, sont drapés dans des sujets extraordinaires, d'une gravité totale, d'un tragique absolu, et qui sont de la sous-télévision. Il y a donc quelque chose d'un peu accablant, là c'est plutôt l'ancien membre du jury qui parle, de voir tellement de films où on a envie de dire le film n'est pas fait. Certes, il y a le travail de documentaliste, certes, il y a eu assez d'argent pour monter le film, et maintenant, il faudrait commencer, non pas le monter au sens d'une entreprise, mais le monter au sens d'une organisation d'images et de sons. Et on a même un peu le sentiment triste que beaucoup des problèmes que posaient les grands documentaristes il y a encore 10 ans, 15 ans, des problèmes qui sont toujours d'ordre éthique, car je pense que le centre du documentaire est beaucoup plus d'ordre éthique qu'esthétique, c'est où est-ce qu'on se met par rapport à une réalité et qu'est-ce qu'on fait de cette position, semble avoir été un peu oublié. Et très souvent, on a le sentiment qu'un bon reportage de télévision, tout formaté qu'il est, tout banal qu'il est souvent beaucoup plus honnête que des choses incroyablement longues, tirées en longueur et prétentieuses. Donc ça, c'est pas la faute du Japon, c'est la faute d'une question qui est complètement maintenant à nu, c'est tout le monde pense qu'il faut du documentaire, sans doute qu'il en faut, mais il va falloir le réinventer presque ex nihilo. Cela dit, pour finir sur une note gaie, le film qui a eu le principal prix de Yamagata est un beau film letton qui raconte la déglingue de 5 ou 6 vies dans une petite rue des environs de Riga, qui est faite sur de proche en proche, comme ça, comment une ville ou comment un petit bout de ville est passé au peigne fin, et on prend la mesure de la lourdeur de l'histoire que n'importe quel individu en URSS a avec lui. Et le second prix a été donné à quelqu'un qu'on a fait venir ici déjà, pour qui on a beaucoup de respect et d'admiration, qui est Robert Kramer pour Route 1, le film qu'il a fait le long de la route numéro 1 aux USA, film qui dure 4 heures, et je ne peux que réitérer l'espoir insensé qu'on le verra, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Ça, c'est du documentaire, ça, c'est de la recherche, et ça, c'est du cinéma. Voilà, c'était le petit post-scriptum Yamagata. C'était Microfilm avec Shinsuke Ogawa au Festival du documentaire à Yamagata, une émission de Serge Danet réalisée par Pierrette Perronneau, diffusée pour la première fois le 5 novembre 1989 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.